Beaucoup d'actu à vous partager aujourd'hui, pas de tournoi, mais on a quand même des choses à dire avec Benoît, vous inquiétez pas. On va parler d'une éventuelle séparation de Margot Lambert et Anne Tran, et on va beaucoup parler Corée aujourd'hui, avec beaucoup de changements de pair et un gros coup de gueule d'Anne Se-young, sans oublier les Jeux du Commonwealth 2026, où je pense vous rêviez tous d'y aller, mais il n'y aura malheureusement pas de badminton, on parlera de ça pour finir. C'est tout de suite dans ce nouvel épisode de... 21 Shuttle. Badminton at its very, very best. Goodness me! What a rally! Oh, sensational! I'm the bad guy. Take that! Et je suis avec le plus asiatique des Toulousains, c'est Benoît. Ça va, Benoît? Salut Ewan, bonjour à tous. Ouais, ça va bien et toi? Ouais, j'hésitais avec le plus toulousain des Asiatiques, je sais pas ce qui est mieux. Benoît, pas de tournoi comme je l'ai dit, puisque c'est d'habitude la semaine où on se retrouve souvent toi et moi à Paris pour les IFB. Oui. Là vous le savez sûrement, les IFB avaient été avancés en mars pour tester. Enfin, pour faire le test event des JO dans la nouvelle salle, ce qui fait que il y a un trou dans la tournée européenne que la BWF n'a pas rempli. Ça veut dire que les joueuses auront une petite pause avant le Halle Open de la semaine prochaine. Mais ça tombe plutôt bien pour nous parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui se passent sur la planète badminton en ce moment. Certaines choses dont on n'a pas encore eu le temps de parler. On essaye de pas faire trop long dans les épisodes, même si ces derniers temps, vous remarquerez qu'on a un peu de mal à respecter ça. Donc on va pouvoir parler de différents sujets maintenant. Si jamais vous êtes intéressé plus par un thème que les autres, vous pouvez regarder dans la description de l'épisode, il y aura les timecodes pour sauter directement au moment qui vous intéresse. On va commencer, Benoît, par le sujet franco-français. J'ai vu que on avait déjà parlé un peu sur le Discord. C'est le futur de la paire Lambert-Tran, donc notre meilleure paire de double dames de l'histoire, en fait, que ce soit en termes de ranking, puisque en août, elles étaient 13e mondiales, ce qui est largement un record pour les double dames français, ou même, j'ai envie de dire, en termes de palmarès, puisque quelques mois avant ça, elles avaient été la première paire française à être championne d'Europe de double dames. On les a vues au JO plutôt... mitigées, on va dire, des défaites un peu frustrantes, où elles maîtrisaient certains sets, d'autres pas du tout, on avait du mal à juger leur niveau, mais par rapport à ce qu'elles avaient montré avant, c'était assez décevant. Depuis, Anne Tran a annoncé qu'elle avait joué une partie, enfin elle avait joué ses JO blessées d'ailleurs, et depuis elle est en rééducation, mais c'est assez long. Du coup, qu'est-ce que fait Margot Lambert? Cette semaine, elle a joué au Dutch Open avec Deborah Hille, la joueuse hollandaise, mais c'est moins ce qui nous intéresse, mais plutôt le fait que sur la tournée asiatique de novembre, elle sera alignée avec sa compatriote, sa benjamine Camille Poignante. Elles joueront ensemble au Korea Masters et au Kumamoto Masters, je crois, le tournoi au Japon, où là, elles seront en qualif. Et Benoît, on se pose des questions. Il y a des faits et des rumeurs, on va commencer par les faits. Jouer avec Deborah Hille, c'est une chose, jouer avec Camille Poignante, c'en est une autre. Oui, bah c'est la transition, enfin tu me donnes le parfait relais. C'est qu'il y a deux trucs différents. C'est le fait qu'elle joue avec Deborah Hille, on l'a dit, pour moi c'était le fait qu'elle joue avec Deborah Hille, tu peux te dire bon ok, elle patiente. C'est une chose, il y a beaucoup de joueuses qui le font, de joueurs d'ailleurs, et ça ça pose moins une question, j'ai envie de te dire, mais en fait, ce qui nous a posé question, c'est de la voir inscrite, Margot Lambert, sur la tournée. Tu l'as dit, elle sera en qualif au Japon, mais je crois qu'elle rentre dans le tableau en Chine, donc sur le 750. Me demandez pas pourquoi, j'ai pas fait les calculs, mais c'est bizarre. Et elle rentre aussi sur le tableau en Corée. En Corée, deux semaines avant. Ouais. Et voilà, c'est ça. Donc elles seront sur la tournée, elle sera sur la tournée asiatique avec Camille Poignante, et c'est là où ça pose plus de questions. C'est parce que Camille Poignante, elle était au championnat du monde junior il y a quelques semaines, avec Elsa Jacob. Là, ça veut dire qu'on split, on coupe une paire très très jeune pour donner une énorme confiance à Camille Poignante, avec une joueuse expérimentée, championne d'Europe, et elles vont jouer trois tournois du World Tour. Voilà. enfin pour moi c'est vraiment curieux de t'entendre là-dessus, mais pour moi il y a vraiment deux choses distinctes. C'est le cas anecdotique des Bourailleux, j'ai envie de te dire, et ce qui se passe derrière, où clairement le signal est fort. Si on fait ça pour rien, ça n'a que peu de sens. Le fait qu'elle joue avec Camille Poignante, qui est plus jeune, qui est qui a toute sa carrière devant elle, montre que c'est pour moi un peu plus réfléchi à long terme que effectivement je jouais avec une joueuse hollandaise sur un tournoi comme le font beaucoup de joueurs et joueuses. Là effectivement ça montre quand même que y a du côté de la Fédé et du staff, on voit un peu plus vers l'avenir. Et Benoît, ça pose évidemment question, parce que Anne Tran, elle a beau être blessée, elle va pas rester blessée à vie, a priori. Et en fait, j'ai envie de te demander un peu comment on en est. On va parler un peu après de se demander si elles rejoueront un jour ensemble, mais imaginons qu'elles rejouent pas ensemble, ce qui... Voilà, nous, on va pas vous donner d'infos certaines, mais ce qui se trame en coulisses, on va dire, c'est que on aille plus vers une séparation de la paire. On va pas se mentir. Benoît, la question un peu, c'est comment on en est arrivé là finalement, alors que, comme je l'ai dit dans l'intro, on parle de la meilleure paire de notre histoire. Ouais, en fait, c'est ce qu'on en parlait un peu, parce que ça fait quelques jours qu'on en entend parler et qu'il y a des infos qui sortent dans ce sens-là, et on s'est forcément posé la question, parce que il y a des paires sur le circuit à qui on donne beaucoup de temps après le prime, et on comprend pas trop. Là, pour le coup, le prime, il était atteint il y a un mois et demi ou deux mois en termes de ranking, elles étaient 13e mondiale, donc c'est pas une séparation parce qu'il y a un gros down dans le niveau ou autre chose. Il y a la blessure de Antran, certes, mais les séparer maintenant, alors que potentiellement il y a déjà les mondiaux à Paris, c'est une première chose, mais c'est vrai que ça pose question, le timing pose question, parce que c'est post-JO, certes, on repart sur un projet Los Angeles 2028 sans doute, mais c'est vrai que le timing pose question. Est-ce qu'il fallait attendre peut-être les mondiaux si séparation il y a? C'est vrai que ça pose plein de questions auxquelles on n'a pas les réponses, je pense, mais ouais, ça. Moi, ça m'interroge. Si vous êtes une des deux joueuses concernées, ou si vous avez des infos sur, donnez-les nous. En attendant, on va pas vous annoncer quoi que ce soit, on va attendre un petit peu, même si. Effectivement, avec Benoît, on a notre propre avis sur la question. Benoît, je vais te poser une question. On va un peu plus retourner côté terrain. Cette paire Poignante-Lambert qu'on verra donc pour 3 semaines en Asie, au moins en qualif pour le tournoi du milieu au Japon, comme tu l'as précisé. Est-ce que tu en attends quelque chose? Est-ce que, du coup, elles auront quand même peu de temps pour jouer ensemble avant, même à l'entraînement, je veux dire? Est-ce que tu en attends quelque chose sur ces 3 semaines? Est-ce que pour toi, de base, avant tout ça, est-ce que au niveau du jeu, Poignante-Lambert, tu penses que c'est un fit qui a du sens? Voilà, dis-moi ce que tu en attends. C'est une bonne question. Du coup, j'ai à moitié une réponse pour le Japon, c'est qu'il n'y a que 28 paires et pas 32 dans le tableau comme il y a des qualifs. Mais ce que j'en attends... prendre de la confiance, commencer à trouver des automatismes et tout, parce que très clairement, peut-être qu'elles s'entraînent déjà ensemble, j'en sais rien, je suis pas à l'INSEP tous les jours, mais il va falloir du temps, et c'est une grosse tournée quand même, parce qu'il y a, c'est quoi, 300, 500, 750 ? C'est ça. On démarre pas sur 100, 300 et International Challenge comme on aurait pu l'imaginer. En plus, les points de Margot Lambert auraient suffi pour être tête de série sur ces tournois-là. Et c'est grâce à ça d'ailleurs qu'elle rentre sur les tournois d'ailleurs, puisque si vous demandez comment une paire comme ça peut rentrer sur un 750, en fait, quand une paire se sépare, enfin, quand on fait une nouvelle paire, on prend les points que les joueuses avaient individuellement. Divisé par deux, donc le fait Lambert Tran avait déjà un ranking très haut, et ben même si Camille Poignante avec Elsa Jacob avait moins de points, ça permet de la tirer vers le haut et de rentrer tout juste dans les 32. C'est exactement ça. D'ailleurs, si vous regardez les listes d'acceptation sur Tournament Software, vous verrez en fait qu'elles ont pas de points, mais qu'elles ont des points protégés, et ça correspond effectivement aux points dont parlait Juan. Et moi, je pense que c'est intéressant parce qu'elles vont prendre des points même si elles perdent 3 fois au premier tour. elles vont prendre des points qui vont leur permettre de monter, ça c'est sûr. Maintenant, est-ce que j'en attends quelque chose en termes de résultats? Non. C'est trop tôt, je pense. Mmh. Et après, le fit, ce qui est intéressant, c'est que je pense qu'il a du sens, parce que Margot Lambert, je pense que c'est quand même une joueuse jeune, mais qui a quand même pris énormément d'expérience ces dernières années. Et Camille Poignante, c'est, je pense, clairement notre espoir numéro 1 dans ce tableau. Donc pour moi, là, ça a du sens. Et là où je suis intéressé aussi d'avoir ton avis, c'est... on ne sait pas comment s'est fait ce fit-là, très clairement. Est-ce que c'est une demande des joueuses? Est-ce que c'est un choix de l'INSEP? Mais est-ce que toi, tu penses que même si ce n'est pas tout de suite à terme les résultats, est-ce que c'est un projet Los Angeles 2028 viable? Ou c'est trop tôt pour en parler? C'est difficile. Moi, j'y crois. En vrai, pour répondre à ta question, si jamais c'était une paire qui devait durer dans le temps, j'y crois clairement, parce que je trouve que depuis qu'on voit Margot Lambert avec Anne Tran, je trouve qu'elle a progressé et elle a fait. Je trouve forte impression, moi elle me fait forte impression en tout cas, je trouve, entre elle et Anne Tran, qu'il faudra pas oublier évidemment, hein, mais je trouve que c'est plus elle qui fait des différences. Elle frappe très très fort et je pense que c'est un peu ce dont on manque en France, globalement dans le double dame. Et tu l'as dit, Camille Poignante, c'est peut-être sur elle que repose l'espoir chez les filles dans plusieurs tableaux. Donc je trouve que ça a beaucoup de sens. Et voilà, du coup, ça fait une paire. Camille Poignante, elle a 18 ans, il me semble. Margot Lambert, elle en a 25. Donc à Los Angeles, elles seront a priori pareilles, quoi. Donc moi, je sais pas ce que t'en penses, mais et pour répondre à ma propre question, je suis très curieux de voir ce que ça va donner sur la tournée asiatique. Alors, comme tu l'as dit, elle commence direct sur des tournois assez assez élevés où ça va être dur de gagner des matchs. Mais comme vous allez le voir après, et comme on l'a déjà dit, c'est le moment où beaucoup de paires changent. On l'a dit quand on parlait du Danemark et même en Finlande, le double dame en ce moment. Si t'as un bon tirage, tu peux en gagner des matchs, hein, et prendre des points et de l'expérience et du temps de jeu ensemble. C'est clair. Donc évidemment, j'attends pas qu'elle fasse quart de finale sur les 3 semaines, mais en tout cas, je vais être curieux et ça va me faire allumer l'ordi pour regarder ce match avec beaucoup d'intention. Benoît, est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur le sujet? Non. Je pareil que toi, j'ai hâte de voir. Je pense que ça nous fera lever à 3h du mat pour des trucs dont on n'a pas l'habitude. Voilà, c'est ça. On vous donnera les infos quand tu en auras. Pour l'instant, aucune des deux joueuses, que ce soit Anne Tran ou Margot Lambert, ne se sont exprimées. Margot Lambert, elle jouait le Dutch. Anne Tran, elle se concentre sur sa rééducation. Mais quand les deux joueuses officialiseront quelque chose, évidemment, on vous en parlera. Allez, on va filer pour la deuxième partie de ce podcast en Corée. I'm the bad guy. Take that! Alors, il y a beaucoup de choses qui se passent en Corée du Sud en ce moment côté badminton. On va commencer par parler d'Ahn Se-young. C'est des news qui datent un peu, mais il y a eu quelques updates, etc. Et nous, on n'en a pas encore parlé, on l'a juste mentionné dans le podcast. Donc ça valait le coup, on pensait d'en parler. Je vais énoncer les faits et ensuite, Benoît, je te lancerai pour te demander ton avis sur le sujet. Ça ne vous a pas échappé que Ahn Se-young a été championne olympique à Paris il y a quelques semaines. Et juste après sa victoire... quelques jours après, je crois seulement, après sa victoire au JO, Ahn Se-young s'est exprimé en interview et j'ai pas trouvé d'autres termes sur ma fiche que allumer sa fédé. J'ai pas trouvé de termes plus déjà plus t'as trouvé tes fiches. Voilà, c'est vrai. Je les avais perdues depuis des années, c'est bon. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit que donc elle fait partie, elle s'entraîne pour la fédé coréenne depuis 7 ans. Donc elle en a 22, donc elle a commencé donc à 15. Et elle dit qu'elle a enduré beaucoup de choses pendant ces 7 ans et elle cite plusieurs points de reproche entre guillemets. Le premier, c'est qu'elle a été forcée à jouer plusieurs tournois malgré des blessures et surtout, vous l'avez vu, hein, sa blessure au genou qu'elle traîne depuis maintenant un moment et que donc elle a mis son corps en danger parce qu'elle était forcée de jouer. Et le pire en plus, c'est qu'elle a même gagné des tournois. Je me souviens que c'était en Malaisie, je crois, où elle gagne alors qu'elle est diminuée avec sa blessure au genou. On voit qu'elle a moins de mobilité, elle a gagné, donc elle a quand même enchaîné les matchs et les semaines de tournois. Elle leur reproche également de donner trop d'avantages aux joueurs de double. C'est vrai que la Corée, historiquement, c'est un pays qui performe beaucoup plus en double qu'en simple, mais c'est quelque chose qui se retrouve encore maintenant au centre d'entraînement. Et en gros, elle dit qu'il n'y a quasiment pas d'entraînement spécifique pour les joueurs de simple. Et que tout est basé sur le modèle du double, alors que quand t'as une joueuse numéro 1 mondiale comme elle, et ben il lui faut un entraînement spécifique, ça je vous l'apprends pas. Elle dénonce également le fait que la fédération contrôle trop les sources de revenus et l'empêche de prendre certains sponsors pour elle, ce qui fait que elle est pas dans le top 5 des joueuses les mieux payées du circuit, si on prend tous les revenus, alors qu'elle est clairement numéro 1 mondiale, ce qui est quand même une anomalie, on va dire. Et ensuite, une culture toxique envers les juniors. Alors ça, elle n'est pas la seule à l'avoir dénoncé, c'est un truc un peu récurrent en Corée. Mais par exemple, au centre d'entraînement, les nouveaux arrivants, donc les juniors, elle est arrivée quand elle avait 15 ans, doivent recorder les raquettes des plus anciens, mais aussi leur laver leurs sous-vêtements, ce qui paraît quand même fou de notre côté. Ils doivent se lever tôt le matin pour tout préparer pour les autres, leur porter leur sac, etc. Et donc elle a dénoncé ça, évidemment, une sorte de c'est même pas une sorte de bizutage, parce que c'est dans la culture du sport coréen, entre guillemets, et surtout, enfin en tout cas c'est le cas au badminton, et également l'impossibilité de passer indépendante. Donc petit rappel, la plupart des joueurs s'entraînent au centre de la fédération, donc bénéficient du coaching de coach payé par la Fédé, sauf s'ils décident de passer indépendant. On en avait parlé récemment avec le cas de Lizzie Gia qui avait fait ça. Donc en gros, si vous passez indépendant, vous représentez toujours, entre guillemets, là par exemple, elle représenterait toujours la Corée en tournoi, mais elle aurait son propre coach et ce serait à elle de payer ses frais, etc. Mais on l'interdit en Corée car il faut être là depuis au centre d'entraînement depuis plus de 5 ans, ce qui est son cas pour elle, mais il faut avoir plus de 28 ans pour les hommes et 27 ans pour les femmes, ce qui n'est pas son cas. Donc en l'occurrence, elle devrait attendre encore 5 ans pour pouvoir le faire à Han Se-young, ce qui paraît une éternité. Tout ça, balancé par une toute récente championne olympique, ça, vous imaginez, fait du bruit en Corée. Ça a tellement fait de bruit, on en a tellement parlé, que Han Se-young ensuite s'est excusé sur les réseaux sociaux, car en gros, elle a pris toute la lumière et toute l'attention des médias, alors que les Jeux n'étaient pas finis, et que beaucoup d'autres champions et championnes olympiques coréens ont été un peu mis au second plan, tellement ce qu'elle a dit... ça a fait du bruit, et pour le coup très classe, Han Se-young du coup s'est excusé d'avoir pris toute la lumière, mais elle s'est pas excusée de ce qu'elle avait dit pour le coup. Du coup, ça a fait tellement de bruit que c'est revenu aux oreilles du ministre des Sports coréen, qui est intervenu et qui a annoncé qu'il voulait abolir la règle qui empêche les joueurs indépendants de s'inscrire en tournoi. Puisque du coup, la Fédé les bloque s'ils n'ont pas l'âge requis, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il a également précisé que c'était le seul sport qui fonctionnait comme ça en Corée. Donc pour le coup, c'est vraiment chez eux une anomalie et il veut que le badminton perde ce statut particulier. Il veut aussi réduire l'influence des coachs et que les joueurs ne soient pas obligés d'obéir aux coachs pendant qu'ils s'entraînent, mais aussi en dehors des entraînements. Donc en gros, il veut réduire l'influence des coachs sur la vie des athlètes, leur laisser un peu plus de liberté. Et aussi, petit bonus, j'ai envie de dire, il a également indiqué, ce ministre des Sports, que le président de la Fédération coréenne de badminton était mis sous enquête, car il aurait distribué pour plus de 100 000 dollars de produits venant de sponsors sans le déclarer. Donc ça, c'est bonus, c'est cadeau, mais en tout cas, j'en connais un qui est bien dans la sauce. Et pour finir, avec les événements récents, au Danemark, on a vu Han Se-young toujours strappé au genou et clairement pas à 100% CF, ce qu'elle a fait en finale, et même tous ses matchs, elle a galéré, on a bien vu qu'elle n'était pas à son niveau. Ça rejoint, je ne veux pas faire d'hypothèse un peu foireuse, mais ça rejoint ce que je disais au début sur le fait qu'elle était parfois obligée de jouer quand elle se mettait elle-même en danger physiquement. Et surtout, et quelqu'un l'avait aussi remarqué sur le Discord, une attitude vis-à-vis de ses coachs qui interpelle. Elle était... de nouveau coaché par Sung Ji-young, l'ancienne joueuse, qui a pris sa retraite il y a quelques années. Et on a vu qu'elle ne les regardait pas, elle ne leur parlait pas. Et voilà, elle avait une attitude très défiante envers ses coachs qui sont, je le rappelle, envoyés par la fédération à qui elle reproche beaucoup de choses. et que elle a dit en conférence de presse que tout n'était pas réglé avec ce qu'il y avait entre elle et la fédération. Benoît, j'ai dit beaucoup de choses. Qu'est-ce que tu penses de tout ça ? Qu'il y a énormément de sujets. C'est déjà, il y a quand même cette culture très militaire, très carrée. Donc on est, j'ai envie de te dire, peu surpris par certaines normes ou certaines règles qui peuvent exister au centre d'entraînement. Peut-être que le badminton est le seul sport qui fonctionne comme ça, mais d'une manière générale, c'est quand même pas le seul retour qu'on a dans ce sens. Après, clairement, le président de la BKE, il est dans la sauce et il s'est mis tout seul. Je pense qu'en plus, enfin, le fait qu'une championne olympique parle et tout, ça l'a pas aidé. Ça, c'est sûr. Mais ça, pour moi, c'est j'ai presque envie de dire anecdotique. Ce qui est intéressant, c'est le fait que ce soit elle qui parle déjà et l'importance que ça peut avoir, parce que elle est championne olympique, parce que elle est déjà en train de devenir une star dans son pays. Et très clairement, quand on parle, on écoute, peu importe qui, le ministre, tout le monde écoute. Et ça, je trouve ça assez intéressant. Et je trouve assez intéressant aussi que la joueuse, elle a été assez intelligente pour s'excuser à la fin des jeux, mais pas de ce qu'elle avait dit, et tu l'as très bien dit, du timing. Et elle en a clairement remis une couche là. Et ça montre bien que déjà elle se taira pas, et en plus de ça elle est vraiment pas d'accord avec ce qui se passe. Et ça, moi, m'a posé un sujet quand j'ai vu cette nouvelle sortie, cette finale dont on avait parlé au Danemark où on n'avait pas d'explication. Ça ressemble quand même à un mini coup de gueule poussé sur le terrain à faire comprendre que quand elle était blessée et qu'elle voulait pas jouer, si on l'a forcée à jouer, elle pourrait éventuellement faire ça. Ouais, Benoît, moi je suis d'accord. Ce que je note, c'est moi déjà Han Se-young, toi et moi, Benoît, on était déjà fans, et en vrai, je connais personne qui est pas fan d'Han Se-young, oui. Mais moi vraiment, je trouve que elle nous avait déjà montré par son attitude, à la fois sur le terrain mais aussi en dehors, que elle avait vraiment depuis qu'elle est jeune, hein, même déjà, elle avait déjà un caractère qui faisait d'elle quelqu'un d'à part, je trouve. Et là, ça me conforte totalement dans ce que je pensais. Je trouve que Benoît, c'est très courageux, parce qu'elle s'attaque quasiment toute seule à un système entier, quoi. Elle dénonce beaucoup de choses, et ça pourrait nuire à sa carrière très très clairement. Et là, je trouve que elle a été intelligente, puisque comme tu l'as dit, elle était déjà championne du monde, elle était déjà numéro 1 mondiale, c'était déjà une star, mais elle a attendu d'être championne olympique, ce qui fait d'elle, je sais pas si elle devient plus intouchable, mais je pense que dans notre sport, il y a les champions olympiques et il y a les autres, et elle a clairement attendu d'avoir ce statut, quelques jours après seulement, peut-être même trop tôt après sa médaille d'or, elle a tout balancé. Donc je pense c'est clairement un calcul qu'elle avait fait. Et ouais, je pense que tu as bien fait de commencer par le fait que nous, il y a des trucs qui peuvent nous choquer avec le fonctionnement des fédés asiatiques, et notamment la fédé coréenne, mais il y a quelque chose de culturel. Il y a des choses que nous, on peut pas comprendre en tant qu'Européens, parce que culturellement, nos pays sont très différents. Mais là, le fait que ce soit elle, qui est coréenne et qui dénonce beaucoup de choses, c'est que c'est pas juste de la culture. C'est que, voilà, par exemple, la culture toxique envers les juniors, ça, c'est pas possible. Ça, il n'y a pas d'excuse. C'est clair. C'est clairement impossible. Pareil pour les empêcher de passer indépendant. C'est clairement pas viable et pas juste envers les joueurs, et ça renforce. Je sais que Antonsen et Vitingus en parlent souvent dans leur podcast. Nous, ça pourrait faire un tout autre sujet, mais le pouvoir qui est trop grand, qui est sûrement donné aux fédés dans notre sport. Ça pose d'autres questions aussi. Moi, je trouve que c'est déjà son entraîneuse, dont le mari a fini la carrière en tant qu'indépendant, Sung Ji-hoon, son mari c'est Son Wan-ho. Je trouve ça assez touchy comme positionnement, et ce qui m'intrigue aussi, c'est qu'on a quand même une ancienne joueuse, donc juste d'une génération passée qui a pas 50 ans, à la tête du simple dames coréen, et ça fait quand même 6 mois. Je pense que si en 6 mois des choses avaient changé, notamment les entraînements spé simples, je pense qu'Han Se-young se serait pas exprimé comme ça. Et je trouve ça assez dommage qu'une joueuse à la tête du simple dames coréen soit pas non plus capable d'accompagner Han Se-young là-dedans. Je trouve ça aussi dommage que d'autres joueurs indés, pour l'instant, hein, en tout cas ce qui est publié sur les réseaux sociaux que nous on a en Europe, ne se soient pas exprimés. Je pense à Ko Shin, mais je pense au Kim, je pense à Aeom, la partenaire de Co en mixte aussi. Je pense à Son Wan-ho, ancien joueur. Bon, même si lui, la position est plus difficile, mais peut-être que aussi, ce serait pas mal. Je sais, peut-être ça a déjà été fait et on n'est juste pas tombé dessus, mais que d'autres joueurs qui ont été indés ou qui le sont actuellement, pas viennent à la rescousse d'Anseung parce qu'elle en a pas besoin, mais viennent appuyer ce qu'elle a dit. C'est vrai que de ce que j'ai l'impression, j'ai pas vu une vague de soutien envers ce qu'elle a dit. Encore une fois, tu l'as précisé, on a pu le rater. Si on l'a raté, n'hésitez pas à nous l'envoyer. Mais pour l'instant, effectivement, ça fait un peu vraiment Han Se-young seul contre une fédé plus puissante. Même si je trouve que le fait que le ministre se soit penché dessus directement et annoncé des changements qui voulaient changer les choses, ça montre qu'elle est quand même soutenue et ça, c'est cool. Benoît, il y a du coup forcément après ça des rumeurs qui circulent. Il y a une rumeur qui est assez logique, c'est Han Se-young pourrait, si les règles changent, passer indépendante. Est-ce que tu y crois ? Et la rumeur folle, c'est qu'elle pourrait représenter un autre pays. Beaucoup, j'ai vu que ça parlait notamment dans les rumeurs de l'Australie, parce que c'est pas la première joueuse asiatique à le faire, et il y a une communauté coréenne assez importante là-bas. Est-ce que tu crois à ces deux choses ? J'imagine que c'est quand même beaucoup plus probable qu'elle passe indépendante plutôt qu'elle représente un autre pays. Oui, qu'elle passe indé, je pense que, enfin, en tout cas, si ça peut se faire, ça devient de plus en plus évident. Le sujet Australie, on en parle beaucoup actuellement parce que Kusuma Wardana, parce que Nozomi Shimizu, parce que beaucoup de joueurs, et puis la forte communauté coréenne, mais ça, j'y crois honnêtement très moyen. Un, parce que les infrastructures d'entraînement peut-être seraient limitées, et deux, parce que je pense que la Corée fera tout ce qu'elle peut quand même pour pas qu'elle change de drapeau. Maintenant, ouais, indépendante, après, ça, c'est quand même c'est quand même pas anodin non plus, hein. Tu te dis pas je deviens indé, quoi. Il faut créer son centre d'entraînement, son cercle d'entraînement. Ça peut être avec d'autres joueurs, mais on a vu avec Antonsen ou Axelsen notamment, nous en tant qu'Européens, que c'était pas si facile. Je pense que ça pose d'autres questions, mais en tout cas, j'ai l'impression, je sais pas ce que t'en penses, mais qu'on se dirige vers ça, ouais. Ben ouais, elle devrait attendre un changement de règles, mais effectivement, finalement, Benoît, en plus, je trouve que, alors c'est pas le même pays, mais Lizidia, ça fait quand même un précédent, parce que lui aussi a voulu passer indépendant, sa fédération a essayé de le bloquer en le menaçant de l'interdire de s'inscrire à des tournois. Il y a eu bras de fer et finalement il en est quand même sorti gagnant, donc je pense que ça fait un peu un précédent quand même, Benoît. Bah, c'est clair, et puis surtout que comme avec Lizidia, je trouve il y a un problème qui se pose, c'est que c'est ton meilleur joueur. Alors une autre mesure avec Han Se-young, mais tu peux, en fait, ils ont un statut d'intouchable. C'est ça. C'est Han Se-young et il y a quasiment personne derrière, quoi. Donc c'est un problème pour la Corée, effectivement. Voilà, Benoît, est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur Han Se-young ? Maintenant, on va l'avoir à l'œil sur les tournois à venir, Benoît, que ce soit sur sa forme physique ou sur son attitude sur le terrain et envers ses coachs. Elle est inscrite sur la tournée asiatique à venir, là. Elle va forcément être scrutée. Bah écoute, je suis curieux de voir ce qui va s'y passer, ouais. Moi aussi, franchement, ça va être intéressant à suivre. Allez, on reste en Corée, mais on change de sujet avec le double cette fois. Aimez-vous le badminton ? Ah non ! Il s'agit là d'un sport qui ne déçoit personne. Alors, le double, Benoît, il fallait qu'on en parle, puisque on va changer quasiment tout en Corée. Évidemment, vous le savez, après les Jeux, c'est le moment où les nouvelles paires se forment et les anciennes se déforment. On en a parlé, on a fait tout un épisode dessus, en prenant pays par pays. Sauf qu'en Corée, on a attendu un petit peu plus que les autres. Mais là, vous inquiétez pas que ça va bouger. Benoît, tout ce qu'on savait pour l'instant de mémoire, c'était que Seo Chae était séparé et que Seo arrêtait le mixte et se concentrait sur le double homme. Mais du coup, on était resté sur « Ah, bah avec Kang Seo, ça reste une paire top 3 mondiale, ils peuvent aller chercher la place de numéro 1, on va voir. » Kang Seo, c'est visiblement terminé. Pourquoi visiblement on reproche beaucoup de choses à Kang, dont le fait qu'il fasse trop d'erreurs et qu'il soit pas au niveau de CO, et on estime qu'il a eu sa chance, mais que maintenant bye bye, et donc pour l'instant rien n'a été annoncé pour lui côté nouveau partenaire. Donc est-ce qu'il va retourner jouer à un niveau de club en Corée ? Est-ce qu'il va attendre d'avoir un nouveau partenaire ? En tout cas, il ne sera pas présent sur la tournée asiatique de novembre à venir. De son côté, CO, il va jouer avec Ki Dong-joo, un mec que personne connaît, juste en Corée, juste une petite semaine, voilà, pour faire kiffer un gamin, un peu, j'ai l'impression, Benoît, un petit make-a-wish. Mais surtout, ce qui est plus intéressant, c'est qu'il va jouer avec Jin Young au Japon et en Chine. Donc en gros, sur les deux tournois importants de la tournée, en 500 et en 750, il va jouer avec Jin Young. Jin Young qui formait la paire, alors je vais dire beaucoup de noms coréens dans les 10 prochaines minutes, va falloir vous accrocher, je vous préviens. Qui jouait dans la paire Jinna, qui, comme tu me le faisais remarquer juste avant qu'on enregistre, n'est plus dans le top 60 parce qu'il joue plus depuis un moment, mais a été top 30 mondial. Il rentrait sur les plus gros tournois, ils ont fait une finale où ils ont gagné un 500. Donc voilà, c'est quand même une paire assez sérieuse. Donc, nouveau partenaire pour CO, c'est Jin Young. Benoît, si on nous avait dit, c'est ce que je te disais juste avant d'enregistrer, si on nous avait dit juste après que CO soit double champion du monde en 2023 en mixte et en double homme, si on nous avait dit que quasiment un an après, il serait séparé de ses deux partenaires, on aurait du mal à le croire et pourtant c'est vers ça qu'on se dirige. Ouais, j'ai toujours du mal à y croire. Le mixte, on a eu le temps de s'y préparer. Le double homme, j'ai toujours au fond de moi un truc de non-sens. Un peu total. Je comprends qu'on puisse dire que CO était le meilleur joueur de la paire et je le pense aussi. Maintenant, ils étaient champions du monde, ils ont gagné les finals en décembre l'année dernière. Ils font deux mois post-JO plus qu'honnête. Ils étaient numéro un mondiaux jusqu'à il y a quelques semaines, je crois encore. Ils l'ont été en tout cas sur une période. Moi, je capte pas trop, surtout que on va y revenir, mais t'as cité les deux partenaires qu'il allait avoir, et surtout Na, je pense que c'est le plus important, parce que ça a l'air d'être... Jin. Ils ont plus sur la durée. Jin, pardon. Ça a l'air d'être plus sur la durée, excuse-moi. Na, c'était son ancien partenaire, à Jin. Cette paire, elle a peut-être un peu de sens, parce que c'est deux joueurs de haut niveau, CO évidemment, mais Jin aussi. Là où j'arrive pas à comprendre, c'est quand même, on peut lui reprocher des trucs, mais est-ce que tu vas avoir mieux, est-ce que tu peux avoir mieux que ce que tu avais déjà? Je sais pas, Benoît, j'ai l'impression que du côté de la Corée, on pense peut-être à raison que CO, c'est en gros leur joueur de mixte, enfin leur joueur de double, pardon, de la décennie. Ouais. En vrai, peut-être, Benoît, si on réfléchit, est-ce que depuis Lee Young-dae, on a eu meilleur que lui? Peut-être pas. Non. Et donc, on se dit qu'en gros, c'est un diamant un peu dont il faut qu'il faut polir et dont il faut maximiser surtout le potentiel. Et donc si en gros il domine pas, c'est fou, hein. Pour Chae, c'est différent parce qu'en mix, parce qu'elle est plus âgée et je pense qu'il faut partir sur un autre projet. En plus, jouer sur deux tableaux, comme on l'a plusieurs fois dit, c'est peut-être pas le meilleur calcul. Mais en double homme, j'ai l'impression qu'on pense que si il est tellement fort que CO que s'il domine pas le circuit, c'est pas normal en gros. Et que peut-être que les erreurs de Kang dans des matchs importants leur ont trop coûté malgré les deux titres aux finals et aux mondiaux que tu as mentionné. C'est la théorie que j'ai après. Et je pense que c'est une théorie qui se défend fort quand on voit les choix. C'est que Kang, déjà, on en a pas parlé, mais mis au placard. Enfin, en tout cas, à ce jour, ni de partenaire en mix, ni de partenaire en double homme sur la tournée asiate, et même pas en Corée. Parce qu'en Corée, on pourrait se dire des fois, en Corée, on réaligne des joueurs un peu en cadeau. Là, c'est même pas le cas. Il joue pas. Alors, est-ce qu'il est blessé? Il y a pas eu de com. Est-ce que on sait pas. Mais voilà, clairement, ça ressemble vraiment à une punition. D'où le fait que ta théorie, très clairement, elle se tient de fou. Maintenant, tu prends quand même un gros risque parce que, ok, peut-être que on considère que CO, s'il domine pas, c'est qu'il y a un problème et le problème, on considère qu'il vient pas de lui. Très bien. Maintenant, tu prends quand même le risque de redémarrer pas de zéro parce que tu as des points et tu vas rentrer sur les gros tournois et tout, mais t'es pas tête de série, premièrement, et deux, il va falloir grimper au ranking, et puis qui te dit que ce feat va marcher? Alors, je doute pas qu'il soit numéro top 10 mondiaux, ça j'en doute pas, mais est-ce que ce sera mieux que quand il jouait sur deux tableaux? Déjà. Est-ce que ce sera mieux que quand il jouait avec Kang? Je sais pas. En même temps, je me pose pas mal de questions, mais on a considéré la même chose quand il jouait avec Choi, puisqu'ils étaient top 3 mondiaux. Alors, il y a eu les problèmes extrasportifs, mais on aurait pu sanctionner Choi pendant 3 semaines et le faire revenir. Ça n'a pas été le cas, donc... Ouais, la Corée a envie qu'il domine et estime qu'il doit dominer. Benoît, tu fais bien de finir par ça, de dire que... On était, je m'en souviens, sceptiques, effectivement, quand ils l'ont séparé de son premier partenaire, et que ça a marché. Donc, C'est ouais, je sais pas, effectivement, tu leur mets direct une grosse pression parce qu'en gros, tu leur dis du coup Jin Seo, il va falloir faire mieux que top 3 mondiaux, champion du monde, vainqueur des finals. Donc bon courage à eux. Ouais. Évidemment, moi je vais être très curieux. Encore une fois, on l'a déjà dit hein, mais si c'était le truc à faire, c'était le timing pour le faire en tout cas puisque beaucoup de paires changent en ce moment. Donc à voir, mais ouais, je suis curieux et effectivement ça met de la pression sur les épaules à la fois de Jin mais aussi de Seo parce que un mec à qui tu changes de partenaire alors que t'en avais déjà un plutôt bon, tu changes de partenaire, tu lui enlèves un des deux tableaux, au bout d'un moment va falloir être numéro un mondiaux assez vite si j'ai l'impression. Donc je sais pas. De son côté, son ancienne partenaire de mixte, Shae, elle va jouer avec Lee Min-so. Alors là, c'est plutôt différent, Benoît, puisque on peut le dire, son partenaire, il est inconnu au bataillon. Et pour le coup, je ne sais pas à quel point c'était voulu par la joueuse, la séparation avec Seo, etc. Mais la Fédé lui fait pas un énorme cadeau. Bah, c'est dur de juger, j'irais dans ton sens aussi. Franchement, je ne sais pas. Je sais pas qui il est. Il est peut-être bon, mais il a pas de référence en tout cas. Voilà, c'est ça. Il est peut-être bon, mais il est pas aussi bon que Seo. Déjà, c'est. Bon, après, peut-être que, comme on l'a dit, peut-être personne n'est aussi bon que Seo depuis 10 ans en Corée. Mais là, tu repars pour le coup. Vraiment, j'ai l'impression de zéro. Je sais pas quel est le projet. Est-ce qu'il y a un projet 2028? C'est surprenant. Je l'aurais pas imaginé. En fait, dans la mesure aussi où il y a une autre paire de mixtes, on va en parler en Corée, qui a l'air de disparaître. On aurait pu imaginer que ça se passe là aussi le split. Visiblement, c'est pas le cas. Donc, c'est un choix aussi surprenant que osé, j'ai envie de dire. Ouais, pour le coup, Shae, du coup, elle a 29 ans. Je suis pas sûr qu'on la voit jusqu'à Los Angeles. Hein. J'ai plus l'impression qu'il lui fallait un partenaire. Et voilà, mais elle sera sur les tournois en Asie aussi. Donc, on aura déjà des petites réponses et on verra comment ça se déroule. Mais je suis pas sûr qu'on la revoie jouer les premiers rôles. J'espère pour eux que je vais me tromper. Tu l'as dit, Benoît, l'autre paire l'autre paire qui performe en mixte en Corée, c'est les vice-champions olympiques Kim Jae-young. Et a priori, ce serait fini aussi, puisqu'ils ne sont pas inscrits sur la tournée asiatique. Jae-young, on va en parler juste après, a une nouvelle partenaire en double dame. Kim, il va jouer juste un tournoi avec Jin, du coup justement le futur partenaire de Seo. Ils vont jouer ensemble en double homme en Corée, mais visiblement après ils joueront plus ensemble du coup, mais Kim Wano du coup se irait plutôt vers du double homme. Donc visiblement la Corée est prête à séparer du coup ces deux paires de mixtes, ces deux meilleures paires de mixtes. Là actuellement les deux sont encore dans le top 6 mondial, il y a des champions du monde et des vice-champions olympiques, mais visiblement c'est sur le point de dégager très vite pour passer à autre chose. Visiblement, on va voilà, on passe la seconde en Corée et à côté, c'est rien à côté de ce qui attend le double dame coréen. Et donc là, auditeur auditrice, j'ai besoin de votre plus grande attention parce que il y a beaucoup de noms qui parfois les noms de famille sont les mêmes. Donc il va falloir un peu s'accrocher, mais je vais essayer de rendre ça le plus clair possible. Actuellement, vous connaissez les paires coréennes, juste un petit point, on a Baek Lee qui sont 2e mondial, on a Jae-hong Kim qui sont 8e mondial, Kim Kong qui sont 10 et Lee Shin qui sont 13. Sur les 4 que je viens de citer, il y en a 3 qui vont être séparés. On garde Baek Lee les 2e mondial, le reste, hop, on sépare tout, dont des paires comme Kim Kong qui jouent ensemble depuis longtemps. Donc, dans Kim Kong, Kim, du coup, qui s'appelle Kim So Yeong, elle va jouer avec une joueuse qui s'appelle aussi Kim. Donc c'est pour ça que c'est pas facile. Kim Bo Ryeong. En plus, je les prononce très mal, donc ça rend le truc plus difficile. En l'occurrence, la joueuse avec qui elle va jouer, elle a 22 ans, elle a quasiment pas de match sur le circuit, donc avec Benoît, on peut pas vous en parler beaucoup. Du coup, nouvelle paire, Kim Kim. Du côté de Kong, donc qui s'appelle Kong Yi Yong. Benoît, je t'entends rigoler, ça me déconcentre. Elle va jouer avec une joueuse qui s'appelle aussi Kim, Kim Ye Jae-hong, qui est celle donc qui jouait, qui formait la paire Jae-hong Kim, si vous avez capté. Donc là, pour le coup, Kong Kim, on part sur une paire avec deux joueuses qui ont plus d'expérience et deux joueuses qui étaient déjà dans le top 10 mondial. Donc, on sépare aussi Kim Jae-hong, je vous l'ai dit. Du coup, Jae-hong, vous me demandez avec qui elle va jouer ? Eh bien, Jae-hong Na-eun, elle s'appelle, elle va jouer avec Shin Sung Chan. de Lee Shin. Donc là, pareil, on prend deux joueuses qui étaient dans le top 15 et on fait du coup une nouvelle paire. Et du coup, on sépare également Lee Shin et du coup, Lee Yu Lim de Lee Shin va jouer avec une joueuse qui s'appelle aussi Lee et c'est là que c'est compliqué. Donc en l'occurrence, Lee Yeon Woo qui elle n'a pas non plus d'expérience sur le circuit. Donc en gros, pour résumer, on a pris trois paires, on en a fait quatre. Et donc, on a rajouté deux joueuses que nous, pour le coup, on ne connaît pas trop avec Benoît. Donc, les nouvelles paires, ce sera Kim Kim, Kong Kim, Jeong Shin et Lee Lee. En sachant que d'autres sélections, en gros, à la fin de l'année, la Fédé coréenne va faire une sorte de gros tournoi interne où d'autres juniors pourraient arriver sur le circuit, d'autres pourraient partir en retraite, et donc ça pourrait encore un peu bouger. Pour l'instant, c'est ce qu'on a. Benoît, t'as donné ton avis sur le mixte et le double âme. Je t'écoute sur le double âme, c'est intéressant parce que toi et moi, j'ai l'impression que on a beaucoup parlé double âme coréen ces derniers temps, en disant que ça marche pas et qu'elles ont du retard à la fois sur les chinoises mais aussi sur les japonaises. Qu'est-ce que tu penses de ces changements de paire où du coup on garde Baek Lee les deuxièmes mondiales? Est-ce qu'elles ont le niveau deuxième mondial? Ça c'est une autre question. Et tout le reste, on change. Je vais pas revenir en arrière. On l'a appelé de nos voeux. Même bien avant Tokyo, c'est split. Même avant Paris. Donc oui, je suis content. Je trouve que ça a du sens qu'ils arrivent maintenant. Le choix de garder Baek Lee, on en a discuté tout à l'heure en off. Et en fait, il a du sens dans la mesure où si tu veux garder une paire, t'as gardé la mieux classée. Est-ce que c'est celle qui fonctionne le mieux? Est-ce que pas? Moi, j'aurais tendance à dire que c'était à peu près tout ce kiff-kiff, à mon sens, et que du coup, t'as gardé la mieux classée. Donc, ouais, ça a du sens. Tu testes des trucs. Est-ce que c'est intéressant de faire rentrer des juniors là-dedans? Je sais pas. En tout cas, sur les derniers mondiaux juniors, les trois derniers mondiaux juniors, on n'a pas vraiment de paire qui ressort ou même de joueurs qui ressortiraient. À voir ce que ça peut donner. Moi, je ferais rentrer plus des juniors sur le double homme, par exemple, tu vois, mais là, je pense que tu peux te donner au moins un an et demi avec ces paires-là. Et Baek Lee en backup, tu sais que de toute façon, elles seront... Allez, au pire, je vais dire top 8 mondial, tu vois. Ouais, non, c'est clair. Et Benoît, la séparation notamment de Kim Kong, c'est quand même un petit événement parce qu'elles jouaient ensemble depuis 2019. Elles sont médaillées de bronze au JO de Tokyo. Et elles ont montré parfois des très belles choses, mais malheureusement, elles sont encore médaillées de bronze au dernier mondiaux en 2023. Malheureusement, ces derniers temps... C'était plus vraiment ça. Elles ont leur dernier titre d'importance, c'était le Japan Open 2023, donc il y a pile un an, un peu plus d'un an. Mais voilà, ça datait un peu trop et maintenant il fallait faire quelque chose, quoi. Ouais, c'est assez bizarre parce que toi et moi, avant Tokyo déjà, on se posait la question. Il y a eu cette médaille un peu, je trouve, en trompe-l'œil, et après on s'est posé la question de savoir si elles seraient séparées ou pas. C'est quand même une paire qui a beaucoup gagné, tu l'as dit, le Japan l'année dernière c'est un 750, mais je crois qu'elles ont au moins un All England, peut-être deux, il y a un autre Super 1000, et il me semble qu'elles ont gagné au moins un Finals. C'est quand même une paire, peut-être celle qui a le plus gagné là sur les 5 dernières années en Corée. Maintenant, c'est vrai que je suis d'accord avec toi, on a vu que le plafond pouvait être très élevé parfois, mais il est pas très élevé sur la durée d'une saison. Ouais, je suis d'accord. En sachant que Kim de King Kong a déjà maintenant 32 ans, donc le fait qu'on la mette avec une joueuse qui a 22 ans et peu de références, j'ai l'impression que ça montre aussi qu'on ne compte plus sur elle et que sa partenaire qui est plus jeune, en l'occurrence Kong, qui a 27 ans, elle, on la met pour le coup avec une joueuse qui performait aussi. Donc j'ai l'impression que on compte aussi un peu moins sur elle, donc on verra, mais ouais, je suis d'accord avec toi, c'est quand même une petite page qui se tourne, et on va voir ce que ça donne. Voilà. Benoît, est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur le double dame coréen? Moi, ça me, en vrai, des fois, le double dame, ça peut nous blaser un peu quand il n'y a pas des gros matchs et pas des grosses paires. Mais du coup, Benoît, moi, ça me donne d'autant plus envie de suivre cette tournée asiatique, de voir un peu tout ce que ça va donner. Bah, tout pareil. Je suis curieux de voir aussi comment ça va se positionner dans la hiérarchie, même si ce sera très tôt pour en parler. Et de la même manière, je le dis parce que je l'ai tout vu tout à l'heure, mais le Fukushima Matsumoto, un peu dans la même manière, je suis curieux de voir ce que ça donnera, même si c'est pas la Corée, c'est le Japon, mais ouais, effectivement. Bon, voilà, il va se passer beaucoup de choses. Ouais, elle va être cool cette tournée asiatique. A priori, on ne parlera pas du Korea Open, le Super 300, mais on fera évidemment des épisodes sur le 500 au Japon et le 750 en Chine. Et il y aura beaucoup de choses à dire. On va passer à notre dernier sujet. Les jeux du Commonwealth. Look at this, look at that. Ça va aller beaucoup plus vite, on va pas faire très long, juste dire que le badminton ne sera pas présent aux jeux du Commonwealth en 2026. Alors, l'organisation de ce tournoi, ça a l'air d'être un bon gros bazar. En gros, ça devait se dérouler en Australie. Sauf que en 2023, du coup c'était décidé depuis un moment, sauf qu'en 2023, l'Australie s'est finalement retirée. Du coup, il fallait trouver un nouveau hôte. Londres et l'Écosse se sont proposés, ce sera finalement en Écosse. Mais pour rendre l'organisation plus faisable, entre guillemets, on a réduit le nombre de sports à 10. Et le badminton, qui était présent depuis, je crois, plus de 50 ans, au menu de cette compétition n'a pas été conservé. Donc voilà, pas de badminton au jeu du Commonwealth en 2026. En 2030, ils avaient qu'un seul pays organisateur, c'était le Canada, qui s'est retiré. Donc visiblement, est-ce que les jeux du Commonwealth sont en danger? Je ne sais pas. Mais toujours est-il que beaucoup de... Bah, ça a fait réagir forcément, dont Gil Clark, la commentatrice de la BWF, qui a dit sur Instagram que c'était un coup dur pour beaucoup de joueurs, et elle a indiqué un argument que je trouve assez sensé et assez intéressant, c'est que pour beaucoup de joueurs, il faut des événements importants entre les Jeux Olympiques. Là, en l'occurrence, c'était pile au milieu, les Jeux du Commonwealth, à chaque fois d'une Olympiade, que ça comptait beaucoup pour beaucoup de joueurs. Donc, les Jeux du Commonwealth, il y a évidemment les Britanniques, mais il y a aussi les Malaisiens, il y a les Indiens. Il y a beaucoup de pays qui participent et souvent il y a quand même un peu de niveau, en tout cas au badminton. Benoît, qu'est-ce que tu en penses? Je ne sais pas si tu as un avis sur la question. Beaucoup de choses. Je crois qu'elle a mentionné le cas de Ethan, la paire de mixte Ethan, je ne sais pas comment ça se prononce, les Singapouriens qui sont vainqueurs, champions en titre des Jeux du Commonwealth. Et en fait, elle disait que sur l'ensemble de leur carrière, ils avaient leur prize money correspondait à un peu moins deux années de salaire moyen à Singapour, qui est clairement très élevé. Mais je trouvais que c'était un autre argument très important aussi. Ça veut dire qu'on enlève des championnats continentaux, des compétitions continentales. Nous, on peut avoir les Jeux européens auxquels certains pays du Commonwealth peuvent participer européens. Mais je trouve que ça en dit aussi long. On a réduit le nombre de sports, mais on n'a pas fait que réduire le nombre de sports. Et je parle pas que pour le badminton, parce que quand je vois les sports qui ne figurent plus aux Jeux du Commonwealth, type le sevens, rugby, ou le triathlon, ou même le cricket, des sports quand même dans lesquels les Britanniques sont quand même plutôt performants, et on va admettre des sports qui, à mon avis, sont peut-être un peu moindres, je permettrai pas de juger mon intérêt pour ces sports-là, mais je vous laisserai aller voir les noms, et voilà. Le netball, t'es pas fan du netball, Benoît? C'est ça que tu me dis? Ouais, ou du lawn bowls. Ouais. Qui ressemble à du bowling sur herbe avec une petite boule. Voilà. Non, mais il y a un moment où, enfin, tu vois, ça pose quand même énormément de questions. Est-ce qu'on continue à faire cette compétition pour juste la faire? Je trouve ça assez dommage pour le badminton, c'est vrai. Mais là, on parle de sport netball ou landball aussi, où l'argent, c'est quand même, à mon avis, pas roi. Mais voilà, ça pose quand même pas mal de questions. Et forcément, je pense qu'on en a parlé tous les deux, mais ça nous rend aussi triste pour Kirsty Gilmore, qui potentiellement pouvait jouer des Jeux du Commonwealth à domicile dans 2 ans. Oui, et j'imagine pas que si elle a pas encore réagi, elle va pas tarder. Donc voilà, vous pouvez aller voir sur si vous parlez anglais, le compte Instagram de Gil Clark, où elle lâche quand même un bon gros paragraphe sur le sujet, si ça vous intéresse. Et Benoît, juste, on n'en avait pas parlé, je vais te lancer juste avant qu'on conclue. Cette semaine, il y avait le Dutch Open, dont on va pas parler, on en parlera vite fait la semaine prochaine si ça vous intéresse, mais juste parler d'Arnaud Merclet qui a dû abandonner son premier tour, visiblement blessé à la hanche. Voilà, en ce moment, on sait que sur le terrain, c'est difficile. Si en plus, il se blesse avec la même blessure, enfin en tout cas la même partie du corps qu'il a tenu éloigné des terrains pendant un moment où il a dû se faire opérer, on lui souhaite en tout cas le meilleur des rétablissements. Benoît, j'imagine que t'es d'accord là-dessus. Ouais, bah t'as tout dit. J'espère que c'est pas trop grave et que c'est juste une charge d'entraînement trop importante qui lui a pas permis d'être à son top niveau, mais que c'est pas trop grave. Voilà, évidemment je suis totalement d'accord. Et ben Benoît, merci d'avoir fait cet épisode avec moi, c'était très cool. Ben merci à toi Ewan comme toujours, et merci à vous pour votre écoute. Dites-nous si, quand il n'y a pas de tournant, on va faire, je pense, de plus en plus, on l'avait déjà dit, d'épisodes du même genre, donc n'hésitez pas à nous dire s'il y a des sujets d'actu ou même qui datent un peu plus sur lesquels vous voulez nous entendre, on sera très content d'en parler. La semaine prochaine, les tournois, en tout cas le tournoi, reprend ses droits puisqu'on va se diriger vers l'Allemagne pour le ILO Open où il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de Français, donc ça va être un épisode encore très, très intéressant et pas mal de matchs intéressants au programme. Ce sera la semaine prochaine. Merci de nous avoir écoutés. À la prochaine. 绽放我们激情的节奏，把那束缚抛开的时候，共同感受这片天空带给我们的自由。挥动你我坚强的双手，努力奔向成功的尽头。我们的梦握在手中，绝不等候。你是否在经历这平凡的？